שפגמו וקנת מיה מישל אלמס אני מישל? Oui, Michel, il y avait super quelques en fin de semaine, c'était la première ronde du super quelques. Comment ça a été? Oui, donc c'était une première. Ouais. Un quelques là pour les membres seulement. On a eu 55 voix. Bon. Ça se déroulait dans une journée. Les meilleurs sont l'équipe de Yann Lapointe avec moins 13. Okay. Ensuite, on a eu trois équipes égalité, deuxième, troisième et quatrième position à moins 11. Donc, une belle lutte, une belle journée, puis c'était un bon début de saison. OK. Ah, c'est bon ça. Donc, c'est qui a gagné? Tu n'as pas nommé? L'équipe de Yann Lapointe. OK. Avec moins 13. Moins 13, OK. Bon. Maintenant, si on parlait de... Il y avait une autre activité majeure, je pense, également, à Chibougamau la semaine passée. Oui, c'était la première des qualifications pour la Coupe des champions. Okay. Donc, en classe A, on a eu besoin d'un trou de prolongation pour permettre à Stéphane Perrault de l'emporter avec 79. En classe 2B, trois coups de prolongation pour permettre à Régis Perron de l'emporter avec 80. Mmh. Et en classe B, Guillaume Gauthier avec 89. OK. Hop. Près de 36 joueurs pour cette première qualification. OK, OK. Autre compétition maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent en fin de semaine? Oui, en fin de semaine, c'est la Coupe Ryder à Chibougamau. OK. Donc, 48 joueurs qui vont s'affronter pour 27 roues de golf. OK. C'est sur trois formules. Television Donc, Fanatic. C'est toujours une compétition qui est très apprécié des membres. OK, OK. C'est-tu la... Donc, 48 personnes, c'est quand même bon. C'est quoi? Parce que la Coupe Ryder, normalement, c'est l'Europe contre les États-Unis. Comment qu'on fonctionne à Chibougamau? Ouais, disons qu'on divise les équipes en okay. deux. Après ça, chaque équipe a des joueurs d'un peu tous les jalons. Mmh. Donc, par jalon, on regroupe des quatuors. OK. La première ronde, c'est au meilleur trou en équipe à deux joueurs contre deux joueurs. Okay. Le deuxième, le trou, c'est encore en équipe à coup alternatif à deux contre deux. Et le dernier, le trou, c'est individuel un contre un. Okay. Chaque victoire donnant deux points à son équipe, puis un match nul donne un point. Ah, okay. Donc, l'équipe qui a ramassé le plus de points au total des trois rondes, et l'équipe victorieuse. Ah, OK. Donc, c'est la première année qu'on voit ça, non? Non, chez nous, ça fait plusieurs années. Ah, OK. C'est peut-être parce que je n'allume pas. 7e ou 8e édition. OK. L'année dernière, on n'avait pas fait pour des raisons de température. Puis cette année, on revient. OK. Autre chose à ajouter, peut-être, Michel, en terminant? Non, bon, début de saison, le parcours, certainement un des plus beaux au Québec. D'après la visite de notre agronome qui vient avoir visité là, pas loin de 75 terrains de golf à date. Okay. Et le nôtre se situe certainement dans l'un des meilleurs en termes de conditions globales du parcours. Il n'y a pas eu de golfeurs seniors de Chibougamau qui étaient ici à Delbeau en fin de semaine? Il y avait un homme senior, il n'y en a pas. Non, parce que les seules fois qu'on est allé, comme je te mentionnais l'autre fois, c'est. On est allé à Saint-Prime l'année dernière. On va peut-être retourner cette année. Mm. La problématique de l'Omnium Senior, c'est que pour faire partie de la finale, il faut avoir joué au moins 5 tournois. Okay. Chez nous, c'est beaucoup de déplacements pour des mardis. Bon, ouais. Puis, ça n'avait pas piqué l'intérêt des joueurs. Ben, Michel, on s'en parle jeudi prochain. Toujours un plaisir. C'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel.